l'émission. Bonsoir. Balthazar. Balthazar, il est où? Et le Gaulois. Bon, allez, on prend le bus. Bon, Jérôme, hein. Oh, je me disais, il y a un jeune homme avec vous. Moi, je garde mon sac. Jérôme, France Inter. Sandrine, bonjour. Bonsoir, vous êtes là. Oui, c'est Pierrot. C'est Pierrot, enfin oui, il m'appelle Pierrot, mais bon. Alors, je vous présente Serge. Bonjour, madame. Sandrine, je vous ai vu en photo. C'est mieux m'avoir en photo qu'au gueuleton. Hein. Ça, c'est le duo de la création de la chorale. C'est toi et moi, oui. Oui, c'est Serge et moi. Alors, lui, c'est Jean-Michel. Alors, Jean-Michel habite Vannes dans une chambre à Vannes. Et il vient quand même, malgré ça, à la chorale, donc il y a quand même 100 km de train. Et il vient en fraude. Il faut pas le dire, hein, il faut le couper. Il vient en fraude. Non, faudra pas le couper. Pour la chorale, Jean-Michel. Pour la chorale. Ouais. Vous êtes content de partir à Bruxelles, là, Jean-Michel? Ah oui, là. Je doute du chouep de Ted. Je n'en tire pas de la vodka dedans. Ah non, c'est du bon chouep, c'est pas bon. C'est Ted. Ted, bonjour Ted. Bonjour, Ted, madame. Il a une bouteille de chouep, mais j'ai des doutes sur le coup. Ah, c'est chouep, ça grume. Ah, j'adore ça, le chouep. Ah oui, à la vodka, oui. Allez, monte. Allez, on va y aller. Par contre, je vais vous demander de mettre la ceinture, hein, c'est obligatoire. Hein. Ah bon? Oui. Marie-Françoise n'arrive pas à s'attacher. Jérôme, qu'est-ce que tu veux jouer? La Marie. D'accord. Ils ont chanté quasiment toute la nuit dans le car qui les emmenait à Bruxelles. Malgré les kilomètres qui défilent, la petite chorale de la rue ne trouve pas le sommeil. Jamais un SDF n'a franchi la porte du Parlement européen. Eux vont chanter dans l'hémicycle. Quelle belle histoire. Tout est parti d'une rencontre en 2007 sur le marché de Talensac à Nantes. D'un côté, Serge, dit le Gaulois, à cause de sa moustache à la Vercingétorix. Tous les dimanches, ce grand colosse s'improvise portier à l'entrée du parking souterrain, histoire de récolter quelques euros. De l'autre, Yannick Jolivet, un ingénieur à la retraite qui passe là toutes les semaines pour faire ses courses. Serge vit sous un arbre devant la gare, Yannick dans une maison cossue du centre-ville. Les deux hommes s'étaient croisés, mais jamais vraiment parlé. Comment elle est née, cette chorale? De quoi elle est née? C'était tout simple, j'étais triste. J'étais à ma porte, j'ouvrais la porte à tout le monde. Et puis ce mec-là, Yannick, là, en question, je ne le connaissais pas à l'époque. Je l'avais vu deux, trois fois les week-ends précédents, quoi. Et il m'a dit, bah, vous n'avez pas l'air bien. Bah, je dis, non, ça va pas. On a enterré 21 personnes depuis le début de l'année. Là. Ça fait 21 personnes que je dois crever. Et je dis, personne n'est en enterrement, il n'y a personne jamais. Je suis tout seul dans le cercueil. On est deux ou on est trois. Je dis, c'est pas normal, quoi. Moi, j'aimerais bien voir mes potes, puis qu'on chante une petite chanson. Puis voilà, puis il n'y a personne qui suit. C'est des connards, quoi. Et puis, il a fait son marché, il me donne 2 euros. Et puis, il me dit, mais putain, il faut mieux te chanter dans, comme des imbéciles à droite à gauche. Il me dit, pourquoi vous ne regroupez pas? Et puis c'est parti comme ça, quoi. Puis bon, j'étais recruté bah, 2-3 mecs de la rue, quoi. Oh, il y en avait des cas. Hein. Alors la première fois qu'on a eu la salle, oh là, c'était une catastrophe naturelle. Raconte. Ah non, parce que c'était... j'avais mon pote Jean-Claude Leroux, là. Un super mec. Un dieu. C'est un mec extraordinaire. Et mais toujours bourré, il prenait 3 cuites par jour. Tu sais, il prenait une cuite, tu vois, le matin, Donc il se posait, il dormait sur le banc. Et puis ben, quand il se réveillait, ben, il en prenait une deuxième. Il dormait encore sur le banc 2 heures. Et puis il en reprenait une troisième. Mais j'étais toujours avec lui, je l'accompagnais souvent. Ah, c'était mon pote. Ah, c'est toujours mon pote. Mais j'espère qu'il est encore vivant, parce que j'ai l'impression que j'ai vu. Mais voilà, que c'était. Alors, on est arrivé dans la salle la première fois, ben, il y avait Catherine, dit la mère Katia, dans le milieu nantais des pochetrons. Puis on avait fixé une heure parce que j'avais jugé, je suis con d'être jugé, de juger les autres, mais je connais la rue par cœur, donc je savais les heures où il fallait intervenir. Parce que 10h le matin, ils sont à peine à la peine, oui. 11h, ils sont bourrés. 1h, ils ont récupéré. Et à 3h, ils sont rebourrés. Alors, j'ai dit, bon, bah, 13h, c'est très bien pour répéter, quoi. Alors, on est arrivé sur la scène et tout. Alors, on était Jean-Claude, moi, Yannick. On était peu nombreux. Hein. 4, 5. Ouais, allez, vas-y, on va dire ça. Personne ne chantait juste, personne ne chantait vraiment bien. Personne ne connaissait les textes, personne. Et puis, non, c'était marrant, c'était à couper. Il y a du monde, Gilbert ? Oui, il y a du monde. Hein. Il y a un peu de monde, comme ça. Yannick, c'est lui, l'homme dont nous parlait le Gaulois. On le reconnaît facilement, c'est le seul qui se balade toujours avec une petite sacoche en cuir. Tous les mardis, ce retraité se rend salle Coligny, une salle des fêtes prêtée par la mairie de Nantes. C'est ici que la chorale répète. Allez, on y va ! Enfin, essaie. S'il vous plaît. Ça y est, c'est fini la bavarde là. Allez, on y va, tant pis. Hein. Tant pis. J'ai vu un gamin en costume arlequin, pas mon arbre bleu. Apprendre aux enfants à rêver dans la vie des plus longtemps aimés. Encore une fois, 1, 2. Moi, il y a 10 ans, j'aurais pu me retrouver à la rue. C'est-à-dire que j'ai fait un AVC, c'est-à-dire que j'ai fait une hémorragie cérébrale. Et puis, toute ma vie s'est écroulée. J'ai vu tout s'effondrer en 10 secondes. Et puis, ma rééducation a duré 2 à 3 ans. Vous étiez dans quel état, si je peux me permettre ? Ben, j'étais comme une plante verte, comme on dit. C'est-à-dire qu'on me déplace d'une pièce à l'autre. Lorsqu'on tombe aussi bas avec cette sacrée AVC, on remonte, mais à une vitesse très lente. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir monté un escalier dont chaque marche est l'épaisseur d'une feuille de papier. Quel rapport avec la chorale, cet escalier en papier ? Ben, la chorale aussi, c'est vrai qu'elle a démarré d'une manière très très fragile, mais on l'a construite comme ma maladie, avec des petites marches, parce que je sais que quand on le fait tranquillement, ça grimpe et ça monte. C'est pas autre chose. Bon, allez. 1, 2, 3, 4. L'Auvergnat, page 5. Alors ça, c'est notre chanson pour les enterrements. Pour les morts. Bah pour nous, quoi, pour nous, quoi. Oh, bah, je bois un coup à la mort. Quelle est l'idée d'aller chanter l'Auvergnat lors des inhumations ? Quelle est l'idée ? C'est ma première rencontre avec Serge. Lorsqu'il m'a dit, au moins si on fait une chorale, ce serait pour aller chanter, pour rendre hommage aux copains lorsqu'ils partent. Et ça m'a tellement bouleversé que c'est pour ça que j'ai essayé de monter cette chorale avec tous les moyens. Il y a justement une image qui vous vient en tête de ces enterrements, où vous vous êtes dit, mais vraiment, heureusement que la chorale est là. Ah oui, oui. Le premier auquel on a rendu hommage, il s'appelle Petit René. C'est une personne que j'ai avec Marité, Aïmaté, et ma femme. On allait chaque samedi depuis 3 ans le voir, lui faire ses courses et tout. Il vivait dans un appartement que l'association Vérité Misère lui avait trouvé. Eh bien, il allumait jamais l'électricité parce qu'il avait tellement vécu dans la rue qu'il avait peur de l'interrupteur et de l'ampoule qui allumait sa pièce. Et il vivait dans une cage sans lumière. c'est l'isolement, je veux dire que c'est affreux. La solitude, c'est le mot, la solitude. La solitude, c'est d'être dans la rue, c'est d'être chez soi sans pouvoir communiquer avec personne. C'est terrible, quoi. Et alors, sans vous, il est avec qui, petit René, au cimetière ? Eh bien, on a retrouvé un frère. Et on avait chanté avec le Serge, on était trois ou quatre à chanter, c'est tout. Pour lui dire au revoir, on avait chanté l'Auvergnat. C'était le premier chant pour dire au revoir à petit René. Ça m'a marqué. Le cœur, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un cri de joie. Ta, ta, ta. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le trois-port t'emportera, qu'il te conduise à travers le ciel, au Père éternel. Ensemble. La la la la la la la. Quand tu as dit à Yannick, j'en ai marre de voir les potes enterrés comme des chiens, c'est quoi ce que tu as plus envie de voir? Ben déjà, il n'y avait personne. Ben, il y avait une cérémonie. Hein. Mais à l'hôpital, quoi. Et en plus, c'était de bonne heure le matin, quoi. Je veux dire, avant qu'il fasse le jour. Parce que c'est moins cher. Moi, à 8h le matin, il faisait noir. J'allais voir un mec se faire enterrer, quoi. Il n'y a personne. Il faisait froid, glacial et tout. Et attends, c'est pas possible de voir ça, quoi. C'est pas possible. On est en France, là. Et qu'est-ce que tu leur donnes de plus avec l'Auvergnat ? Ben, je leur donne rien, moi. Non, c'est tout ce qu'ils ont loupé, en fait. Tout ce qu'ils ont loupé. Le miel, le festin, le feu de bois, tout ça, ben, c'est ce qu'ils ont, ils leur ont manqué dans leur vie. Donc, cette chanson, c'est ce qu'il leur fallait. Mais ils l'ont pas eu à l'instant où il fallait. Ils sont morts avant. Mais souvent, je pleure. Souvent, je pleure. J'y arrive pas. Mais je suis gentil, moi, je suis malheureux. Mais Yannick, c'est pareil, il pleure. Il me fait chier. Dès que je le regarde, de toute façon, j'ai envie de pleurer, c'est le con. Tu l'aimes sacrément, quand même. Ah, Yannick, ouais. Ah, ouais. Mais en plus, il me tape dans les côtes à chaque fois, cet enfoiré. Il est à côté de moi quand j'en chante. Il me met les coups dans les côtes, enculé. Alors, des fois, je peux pas finir. Ah bah vas-y, continue si tu veux. Ouais, vas-y, fais. Avec une petite ligne. Je cambriolais, j'étais braqué. C'est pour ça que t'as fait la prison ? J'étais révolté, j'avais plus rien à foutre, quoi. Ma famille m'a rejeté, c'est une famille de bourges d'enculés. Quand ma mère et moi, je ne pouvais pas pleurer. Alors ils ont dit, bah, il n'a pas de cœur, qu'est-ce qu'il fout dans la famille, il n'a pas de cœur. Ah, j'avais pas de cœur, je ne pouvais pas. Ouais, j'ai envie de parler à ma mère, des fois. Comme tout le monde. Et là, maintenant, là, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Maman, tu as fait une catastrophe naturelle. Ça fait qu'un con et un abruti, puis voilà. Je trouve pas, moi. Ah, vas-y, ben, c'est ce que je pense, moi. Ouais. Vraiment, je t'aime. Tu m'as largué trop vite, c'est tout. Là, j'ai hâte de rencontrer Michel Dantès. Michel Dantès, c'est le petit guitariste qui était tout discret à la répétition. Il parle quasiment jamais. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même très peu de jeunes dans cette chorale. Donc, je voudrais savoir ce qu'il y fait. Voilà. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. Bonjour. Sympa. Ça va très bien. Délé, come back home. Ça fait 2 ans à peu près que j'ai rejoint la chorale maintenant. C'est un copain qui était poète de rue. Et lors de son décès, j'ai rencontré Pierrot et le Gaulois, qui sont venus me voir alors que je faisais la manche. Ça m'a touché qu'il y ait des gens qui viennent chanter pour l'enterrement d'un clodo, quoi. Personne ne le fait. Et j'ai trouvé ça touchant, malgré des fausses notes sur Mistral gagnant, en l'occurrence. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça très très touchant qu'il y ait quelqu'un qui ait déjà l'idée de le faire et le cœur de le faire ensuite. Parce qu'en même temps, ce sont pour certains, des gens qui n'ont rien à voir ensemble. Il y a des gens qui ont connu la misère extrême, plus que moi encore. Et qui côtoient des gens qui se demandent s'ils allaient manger plutôt du foie gras ou du magret de canard. C'est quand même assez atypique. Je ne pensais pas pouvoir rencontrer ce genre de situation un jour. Et la rue, ça a été à quel moment que ça... La rue arrive très vite. Moi, j'ai eu un accident de la route. J'ai perdu mon emploi. J'avais moins de 25 ans. Pas le droit de toucher le RSA. Donc, fin des allocations de logement. Plus de droit d'ACEDIC. Et du coup, je me suis retrouvé dehors puisque je ne pouvais plus payer mon loyer. Ça vient à une vitesse phénoménale. Le plus dur, c'était l'ambiance et le traumatisme psychologique, en fait. C'est le fait de se dire, je suis dehors. Je suis dehors, je suis tout seul, j'ai rien pour vivre, il faut que je me débrouille. Le fait de refaire toute sa vie, tous les soirs, tous les matins quand on se lève, c'est très très compliqué. Tous les soirs, tous les matins? Tous les soirs, ouais. Il n'y a que ça à faire dehors. Penser, réfléchir. C'est pour ça d'ailleurs qu'on boit ou qu'on prend de la drogue. Justement pour ne plus penser, ne plus avoir à le faire, ne plus réfléchir. Pardon. Pardon. J'ai perdu. Ouais. J'ai à te demander pardon. Dire j'ai repris la boisson. Bourré, j'insulte ta mère. Près de j'insulte ma belle-mère. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. J'ai eu besoin de ton idiotie. Je me sentais bien ainsi. J'avais l'air intelligent à côté de toi apparemment. Oh. Oh. Oh. Oh. Et c'est fini. Il doit être là normalement. Soit il est au rosé ou au café. Ça dépend de son humeur, mais enfin, on va bien le voir. À 9h15? À 9h15, oui. Bah, le rosé pour Balta, c'est un café, hein. C'est un petit café. Il passe beaucoup de temps? Dans ce café, il a... c'est sa vie, oui. C'est des gars qui n'ont pas de repères, qui n'ont plus de famille, qui n'ont plus rien. Ils viennent là parce qu'ils rencontrent un copain. C'est leur vie. Pour supprimer la solitude, c'est le café, quoi. Bonjour, bonjour. Ah, si, là. Bonjour, messieurs. Bonjour, Balta. Tu vas bien? Ça va et toi? La chorale, vous la ratez jamais? Ah, jamais. J'ai jamais. Depuis que je vais à la chorale, j'ai jamais manqué une fois. Alors, c'est pas un reproche bâtard du tout, parce que c'est pas du tout mon rôle, mais non. T'arrives pas à arriver à la chorale vraiment en ayant pris que du café noir depuis le matin? Si. Ah, tu m'étonnes. Ah, bah si, je l'ai fait. Hein. J'étais pendant 3 mois sans boire une goutte de. Mais t'étais malade alors? Non. Bon, hier, à la répétition. C'était moyen. C'était moyen. C'était moyen. Il y avait un peu trop de rosé. Hein. Non, pas hier. Non? Non. Non, mais non, mais moi. Si, je vais pas dire qu'il n'y en avait pas. Hein. Mais il y a. T'avais pire? Oh oui. Oh oui. Mais Yannick, vous avez le son de morale à la chorale? Vous essayez de les aider, mais. Ben, on va pas leur demander de changer. Je veux dire que si moi on me demandait de changer, peut-être que je ne changerais pas. Je veux dire, je vais pas leur dire il faut changer. Si on essaye de dire bon stop, ouais. Vous arrivez. En principe, on essaie d'y aller bien. Oui, c'est pas en principe, il faut. Ouais. Et si tu te mets à chanter de temps en temps? Ah ben, je vois, oui. Des chansons de marin. Des chansons de marin. Ah, j'aime bien. Oui, oh, chante bien. C'est un gars de la rue comme nous. Ah, tu mets la gomme, hein, gars. Hein. Quand je fais La chorale chante partout aujourd'hui. Deux fois par mois, elle se déplace, invitée par une association, une maison de retraite, un hôpital. Et quand elle n'a rien de prévu, voilà ce que ça donne. La fête. Et c'est souvent chez les Jolivets que ça se passe. Maté, la femme de Yannick, sait y faire aussi bien les salades que la bonne humeur. Ah, vous me demandez si c'était la bonne adresse. Tu l'es. Bonjour. Allez, ça se passe ici. Salle de musique. Ouais, salle de boulot. Et sur l'ordinateur, mais c'est Jean-Michel. Oui, Jean-Michel, Gaulois. Et puis moi là-bas. C'est une répétition, c'est le mardi qu'on répète. C'est con, on voit pas Balthazar qui est derrière là. Il y a aussi les photos là, il y en a partout, il faut de la chorale. Ah ouais, ouais, ouais. Moi j'aime beaucoup la chorale. Là, ça c'est presque la première fois que je les ai rencontrés. Donc t'es arrivé en quelle année? Quasiment au début alors? Ouais. Je crois que c'est la première année que la chorale de la rue s'est faite. Mais toi t'es prof d'accordéon? Ouais, moi je donne des cours de diato. Ça a dû être super dur au départ. Ah, c'était terrible. C'était terrible parce que, tu sais, par exemple, la chanson Paul Auvergnat, c'est Dauphin. On fallait jouer avec un accordéon en Dauphin. Tu revenais 15 jours après, ça n'allait plus. Tu dis, comment ça, ça n'allait plus? J'ai marqué Dauphin, les gars. Ah bah dis non, c'est trop bas, enfin, tu vois, alors on rechangeait. Ah oh, puis tout compte fait, alors tu vois, quelquefois sur un même morceau, tu changes de tonalité. Et quand on est à Bruxelles, on a toujours en soldo. Tu vois, c'est... moi j'avais travaillé 3 accordéons, Jérôme 3 accordéons, et on a toujours en soldo. Puis vous êtes bien marié à Bruxelles. Punaise, ouais. T'as vu un peu? Oh, c'était fantastique, quelle honte. De voir dans ce hall, là, c'est... Quand je les regardais dans le hall... Ces gonzesses en cardin, en Chanel, et les autres qui étaient avec des fringues de chez Emmaüs ou de la Croix-Rouge, c'était complètement... Ah, moi, ça m'a... Ouh. Tu vois, tiens, ça, c'est des moments où je regrette vraiment pas d'être dans la chorale, quoi. Parce que tu vois cette différence qui est énorme, et dans la société qui est la nôtre, cette différence-là, elle devient normale. C'est vrai que lorsqu'il y avait des parlementaires, ils regardaient de... Bizarrement, quoi. Ils étaient complètement étonnés de rencontrer ce genre de personnes, même si c'était une agora sur la misère en Europe. Tu avais l'impression de leur dire, mais punaise, ça existe vraiment, quoi. D'ailleurs, c'était pour ça qu'on était là. Parce qu'elle est là. Elle est là. Et c'est pas la pire. C'est pas la pire. La pire des misères, c'est ceux qui sont encore dans la rue. C'est les jeunes qui se sniffent en respirant de l'eau de Javel dans les bouteilles de coca. Qu'est-ce que leur donne la musique, justement, toutes ces personnes qui viennent de l'univers si différent? Regarde, ces gens-là, ils étaient dans la rue. Aujourd'hui, ces gens-là, ils sont reconnus par la chorale. Toi, Yannick, il leur a donné une chose énorme, il leur a fait retrouver une dignité. Tu vois, le fait de venir propre, le fait de venir pas trop pété, ou agent carrément, quelquefois, eh bien, il leur a redonné une dignité. Ça fait quoi de jouer de l'accordéon dans un cimetière? Eh bien, c'est un drôle de concert. C'est... C'est très dur. Ça prend vraiment les tripes, quoi. C'est dur, quand même, parce que ça pleure, ça... Et t'as le regard aussi des autres. T'as le regard de Balthazar, t'as le regard de Serge. Tu vois, quelquefois, dans leur regard, j'ai vu... Tu vois, ils se disent, putain, peut-être pas loin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis il y a Yannick qui pleure, alors, ça m'émeut. Je chante parce que je sais qu'en chantant, ça me fait du bien aussi. C'est-à-dire que chanter avec ces personnes, avec ces... Je dis pas ces gens-là, hein, c'est loin de là, hein. On dit pas ces gens-là, c'est surtout ces personnes. C'est important parce que je m'y sens bien et puis c'est tout. Je peux pas comprendre pourquoi je partage avec eux, mais je préfère partager ça avec eux qu'avec d'autres personnes. Éventuellement, je dis pas que j'irai pas dans une chorale traditionnelle. Je ne sais pas chanter. Allez, sourions un peu. Ça, c'est vrai. Tout à l'heure, à la répétition, je vous ai vu rire. Pourquoi vous avez ri? Ah oui, parce dites-le-moi. Eh bien, la vérité, c'est que j'étais à côté de Balthazar. Et Balthazar, il était pas loin d'être titubant. Et la voix était très titubante. Et du coup, là, moi-même, j'ai compris que là, je ne pouvais pas chanter à côté de lui, à côté de quelqu'un qui chantait faux. Mais en groupe, c'est formidable, parce que tout est atténué, quoi. C'est-à-dire que dans une chorale, les canards boiteux, on ne les voit pas. Et on est tous des canards boiteux, parce que toutes les personnes qui sont dans cette chorale, il leur en manque quelque chose. D'ailleurs, moi, le premier, enfin, tout le monde. Pourquoi, vous, le premier? Moi, le premier, parce que bon, bah, j'ai eu certainement un parcours au début un peu difficile. Et aujourd'hui, bon, ben... C'est-à-dire un parcours difficile? Ben, c'est l'enfance qui a été un peu difficile. Vie familiale un peu destroy. Ben, j'avais une mère exceptionnelle. Un père qui avait beaucoup de problèmes, qui était malade. Et puis, bon, l'alcool et ainsi de suite. Donc, ça a été très dur pour ma mère et puis pour moi. Donc, j'ai subi pas mal de choses. D'ailleurs, je ne sais pas comment je m'en suis sorti. J'ai eu la chance de prendre une voie potable. Et puis, ben, j'en suis là aujourd'hui. Vous disiez, on est tous dans cette chorale, finalement, un peu cassé quelque part. Oui, c'est pas pour se faire un petit chant avec le plaisir, on dit on va chanter. Non, c'est parce qu'on rencontre des personnes qui... On se retrouve à travers ces personnes. C'est-à-dire que chaque personne de cette chorale est remarquable. Je veux dire, c'est... Il faut jamais dire c'est un SDF. SDF, d'ailleurs, ça veut rien dire. C'est pas un nom. On peut pas nommer quelqu'un par an lui disant qu'il est SDF. Il a un nom, il a un prénom. Et surtout un surnom. Et lorsqu'on les appelle par leur surnom, quand on appelle Joël Jojo, ou bien Serge, on l'appelle le Gaulois, ça veut dire qu'on a fait un pas, on a accroché avec quelqu'un. C'est quel étage ? Deuxième. Jean-Michel, l'homme qui prend le train en fraude pour venir chanter à la chorale, nous a invités chez lui, à Vannes, visiter son nouveau petit logement. Jean-Michel a dormi pendant plus de 15 ans dans les box à chevaux de l'hippodrome de Nantes. Lors de notre visite, il tenait à ce que Yannick et sa femme Mathé soient présents. Ah. Tu ouvres la porte. Ah, de ton petit château. Ça te change, hein, mon gars. T'es content? T'as amené de la paille ou pas? Non. Non, mais j'ai bien raison. Mais c'est qui Yannick pour toi, Jean-Michel? C'est l'ami. Waouh. Alors c'est bien, c'est grand, hein. T'as sans l'eau de Javel, hein. T'as dû mettre le paquet, hein, c'est bon. Ah non. Tiens, je suis en déclé. Ah oui, sinon je vais le parquet avec. Bah, il part avec. C'est moi qui couche dehors ce soir. Oui, oui. Merde. Je te fais pas ça. Oh, puis j'ai mis même des fleurs, disons des gens qui. Oui, c'est sympa. Alors, il voulait pas venir à la chorale, ce gigolo-là. J'ai pas voulu venir à la chorale, c'est parce qu'il y a eu 2 années, j'ai perdu un tonton. Et l'année après, j'ai perdu ma mère. Alors, réveillon de Noël. Alors, tu comprends ce que. J'ai pas plongé, mais. C'était déjà au fond. Moi, je peux dire une chose, c'est que j'ai remonté, c'est grâce à quelqu'un. Quelqu'un qui est auprès de moi. Et tu vas perdre des cheveux. Cette chorale, vous dites, elle m'a fait remonter la peau. Non, moi, je l'ai à cœur, ce machin-là, parce que c'est une bonne bande d'amis et puis d'amitié qu'on a. Quand j'étais dans la rue, bien souvent, j'étais tout seul. Bon, la solitude, ça pèse aussi. Hein. Et on sait que mamie Yannick, je peux lui demander un coup de main, je l'appelle, et puis bon, bah. Il peut me donner un coup de main du jour au lendemain. Bon, comme si un jour j'ai le cafard avec quoi que ce soit, bon, moi, je peux l'appeler, je peux... Un coup de blues, comme dirait l'autre, et puis bon, bah... Dans la rue, on n'a pas d'amis? Si, moi aussi. Oh bah, des amis dans la rue, c'est facile d'en trouver. Hein. Si tu veux avoir des amis, te prenais une cigarette, un boulon de 18, puis c'est bon. Un quoi ? Un boulon de 18. C'est-à-dire ? Bah, un boulon de 18, c'est une bouteille de rouge. Aujourd'hui, tu vis de quoi ? Ouais, ça. Un peu de manche ? Non. Je vais travailler à Carcos. À Carcos, c'est-à-dire ? Bah, c'est un atelier que je vais. Bah, je fais du jardinage. Mais comment tu t'es retrouvé dans la rue, Jean-Michel ? Oh, bah, je me suis retrouvé dans la rue. Bon, je chantais avec une copine. Bon. La copine, elle m'a largué. Ah, bah, là, j'ai plongé. Hein. Mais à l'époque, avant de tomber dans la rue, tu faisais quoi comme métier ? Bah, j'ai travaillé au télécom. Ah oui, j'avais un appartement, j'avais tout ce qu'il fallait, hein, de façon. Et des gringolades. Ah bah oui, bah là j'ai piqué le... T'avais pas de parents Ma mère est décédée maintenant, mon père, je sais pas qui c'est, alors... T'as été élevé par qui ? Bah par l'audace. Mais c'est pas grave, oh. Voilà, je remonte la pente, non ? Mais dans tes boxes à chevaux, tu as dû connaître des moments où c'était excessivement difficile. On était trois copains, bon ben, ça allait. Le froid, tout ça Ah non, on était dans la paille, hein. On était couverts. Hein. Ah ben... Quel est le plus dur à la rue, alors, si c'est pas le froid ? Ben c'est souvent que tu rencontres la solitude avec les gens que tu... qui hésite de causer. C'est plus dur que le froid. Oh bah oui, oui. Parce que là, c'est pas du froid, là, c'est du gel. Parmi les plus fidèles de la chorale, il y a aussi Catherine et son amoureux Robert. Eux n'ont jamais vraiment connu la rue, c'est la maladie mentale qui les exclut. Catherine entend des choses dans sa tête, Robert est dépressif. Le jeune couple fait régulièrement des séjours en hôpital psychiatrique. La chorale les stabilise. J'ai une famille pour moi. Et quand je vais pas bien, je me sens mieux quoi, après. Je sais pas, je me sens mieux dans ma tête, je me sens mieux dans mon corps. Et c'est une aide que vous apportent pas les médecins, c'est vraiment la chorale qui vous apporte ce bien-être. Oui, c'est la chorale qui m'apporte ce bien-être. Ils sont gentils avec moi, ils essayent de m'aider, ils essayent de... C'est des amis, quoi. Ils m'aident quand je vais mal, quand dans ma tête, ils me conseillent pour mes cheveux, des trucs comme ça. Pour mes dents, des trucs comme ça. Parce que j'ai plus de dents, quoi, malheureusement. J'ai pas eu la vie facile. Est-ce qu'il arrive aux personnes de la chorale de vous emmener chez un médecin, chez un dentiste, quand vous dites « il m'aide » ? Oui, c'est arrivé au coiffeur. Maïdé m'a emmené au coiffeur. Je préférais qu'elle m'emmène parce que je ne me vois pas le faire toute seule. C'est une chorale entre amis, c'est une chorale d'amis. On chante comme on peut, et ça fait presque 4 ans qu'on chante faux. Mais on chante quand même. On a la chef de chœur qui, elle, est une bonne chanteuse, et qui nous dirige et qui nous mène. On peut prendre un pot, on peut manger une calette, ou un biscuit, ou un quatre-quarts. Parfois, il y a des engueulades aussi, Robert. Hein. Ça arrive, oui. Chacun a son caractère. Hein. Pourquoi je suis obligée de répéter 50 fois la même chose ? Vous écoutez pas ? T'es quoi, mon guide ? Merde ! Non. 1, 2. J'ai vu un gamin. Non. J'ai vu un gamin en costume arlequin, ben mon arbre bleu. Comment définir cette chorale qui chante faux mais qui sonne tellement juste ? Personne n'a réussi à nous répondre sauf peut-être Jérôme. Jérôme, c'est le deuxième accordéoniste qui les accompagne. Patron d'une entreprise d'expertise comptable, il est tombé par hasard dans l'aventure. Les mots de Jérôme résument sûrement ce que beaucoup n'arrivent pas à dire. J'étais un peu comme les gars de la rue qui sont exclus. Moi, avec mon bégaiement, je ne pouvais pas parler avec les gens. C'était quelque chose qui m'angoissait beaucoup et j'ai mis beaucoup de mal à m'en séparer. Et c'est encore présent chaque jour, chaque minute. Et les gars, en fait, ils m'ont appris un autre regard sur moi-même. Et ça, c'est quelque chose qui est inchiffrable. Ça s'est passé comme ça, par hasard. J'ai discuté avec les gars. Et maintenant, j'ai plus peur de parler et j'ose affronter le regard de tout le monde. Donc effectivement, ils ne le sauront jamais. Mais comme je dis, nous, on leur apporte sans doute beaucoup avec nos instruments, mais eux, ils nous apportent aussi beaucoup. Et c'est de la tendresse, et c'est le fait de pouvoir dire, bah voilà, je suis comme je suis. Donc moi aussi, j'ai été exclu par beaucoup de gens. Beaucoup de gens me regardaient avec un air bizarre, parce qu'ils ne parlent pas comme tout le monde. Et je me suis aperçu que les gars de la rue, c'était pareil. On les regardait un peu comme des merdes. Je pense que les gars de la rue, bon, avec qui, avec tous les potes, ils m'ont apporté énormément plus que moi, je peux leur apporter en chantant ou en jouant d'accordéon. Et donc, voilà, il n'y a pas un gars de la chorale qui m'a dit un jour, bah, Jérôme, tu parles pas comme tout le monde. Il n'y en a pas un. Pas un. Et ça, c'est un cadeau. Attendez. Oui. Vous voulez pas boire, vous ? Ah ouais. Allez. Bon, alors, attention, on va partir. Hein. Je vais m'aider, parce que ça y est, je pleure. On peut vivre sans tristesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Même sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non, non, non, on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, non, non, non, il n'en est pas question. Yannick Jolivet, l'un des créateurs de cette chorale, espère maintenant inciter à la création d'autres chorales de la rue dans d'autres villes. Le cœur y est, c'était un reportage de Sandrine Houdin, prise de son Éric Gérard et Patrice Klein. Réalisation Marie Casanova assistée de Valérie Bourg, mixage Claire Levasseur. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester. La semaine prochaine, Interception vous emmènera au Cambodge, où on s'apprête à rouvrir au public le temple de Bapun sur le site d'Angkor, un temple dont la restauration pierre par pierre a pris plus de 40 ans. Bonne semaine à l'écoute de France Inter. L'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, non, non, non, l'amour ne serait rien. Quand la vie est impitoyable nous tombe, on n'est plus qu'un pauvre diable, croyez-le déçu. Alors sans la tendresse, non, non, non, non, on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse, parce qu'on le rend heureux. Les larmes aux yeux, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, à nos amours à tous.